bouge, tout ça bouge. C'est vrai, non? Tout ça change. Tout ça bouge, tout ça change. Mais qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Ici ça se tape comme en temps de guerre. C'est plus dangereux qu'un quai de gare. J'en dis qu'faut que ça stoppe mais il m'entend de guerre. Alors je scande encore, ouais. Au risque que n'importe qui me plante n'importe quoi, n'importe quand dans le corps. C'est jamais un contre un. Là-dessus tu sais que les news mènent bon train. Un gars plante un autre gars, son pote se venge malgré au contraint. À faire ce qu'on craint, au bout de la course comme bon frein. Si t'es encore en vie, en toi tu diras peut-être je suis contraint. C'est vrai, chaque fois deux frères s'affrontent, mais à qui cela profite? La mort a trop fini au vite, mise au fait quand elle frappe trop vite. Laisse en vie un frère quand à l'autre mec on serre les menottes. Dans chaque quartier, trop des nôtres jouent en concert. Les mêmes notes. Ce qu'il nous faudrait, c'est peut-être comme Farrakhan. Rassembler un million de nègres dans les rues pour plus que les Kairakan. Parce qu'on essuie trop de tirs, trop de sang sur le trottoir. On se cause trop de tort et on se cause trop tard. Tu veux que tout s'arrange, tu veux que tout ça change. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tout ça bouge? Tu veux que tout ça change, tu veux que tout s'arrange. Mais est-ce que t'es prêt à ce que tout soit mousse? Tu veux que tout s'arrange, tu veux que tout ça change. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tout ça bouge? Tu veux que tout ça change, tu veux que tout s'arrange. Mais est-ce que t'es prêt à ce que tout soit rouge? Trop de frères de 100 mètres, l'armure de la haine qu'ils endossent 100 mètres. Mais face à l'éternité, la vie est plus courte qu'une course de 100 mètres. Pour la mort, personne n'est un innocent. Et comme l'innocent, l'argent elle ressent la vie, l'aspire et la lie au sang. La même pour mon doule, soit tu marches comme eux, soit on te coule. Mais la plupart du temps, c'est sous nos propres tirs qu'on croule. FROD old school, la bonne poule. Maintenant je sais qu'on n'est pas réunis juste parce que ça sonne cool. Nos textes pour enrayer nos destructions doivent être diffusés. Car mieux vaut 10 frères armés du savoir, armé du fusil. Incapable d'identifier leur cible, l'enfer, le paradis. Enchaînés au même destin, soit on meurt, tous en paradis. Alors qu'on devrait bosser ensemble, au lieu de se prendre en cible. Le fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord est incompréhensible. Le Black à l'oreille à Fredo et le pacificateur. Maintenant tu sais, méfie-toi des falsificateurs. Nous on reste plus qu'audible, dans le sillon de la gade le plus possible. Si tu reconnais pas dans les textes, tu reconnais juste aux sigles. Que je porte, tu supportes, c'est comme une porte qui s'ouvre. Pour les frangins qui perdent leur chemin pour faire en sorte qu'ils trouvent. Tu veux que tout s'arrange, tu veux que tout ça change. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tout ça bouge? Tu veux que tout ça change, tu veux que tout s'arrange. Mais est-ce que t'es prêt à ce que tout soit mousse? Tu veux que tout s'arrange, tu veux que tout ça change. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tout ça bouge? Tu veux que tout ça change, tu veux que tout s'arrange. Mais est-ce que t'es prêt à ce que tout soit rouge? Tu veux que tout s'arrange, tu veux que tout ça change. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tout ça bouge? Tu veux que tout s'arrange, tu veux que tout s'arrange. Mais est-ce que t'es prêt à ce que tout soit rouge? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que tout ça change. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tout ça bouge? Tu veux que tout ça change. Dans ton quartier, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que t'es prêt à ce que tout soit rouge? Karukira, qu'est-ce que tu fais? Ça change. Madinina, qu'est-ce que tu fais? Tout ça change. Africa, tout ça tu veux que tout s'arrange, s'arrange. Tout ça change. Mais qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tout ça tu veux que tout ça change, tout ça change. Moi aussi je veux que tout ça change. Mais est-ce que t'es prêt à ce que tout soit rouge? Mais qu'est-ce que tu fais?